Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Hellbanger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton. Les ondes du 93.6, on est ensemble pour une nouvelle émission en différé. Prochaine émission live dimanche prochain. Et dans l'émission de ce soir, eh ben, on a cependant l'occasion de s'intégrer pas mal de nouveautés. Nouveautés qui viennent d'un peu partout et toujours bien sûr des nouveautés qualitatives. Les Belges de Mindwar, les Norvégiens de Immortal, Initiate, Begin, Metal Church, Sup, etc. etc. Voilà, c'est grainé tout au long de l'émission de ce soir. Et autour de tout ça, eh ben, on retrouve des trucs qu'on s'écoute depuis déjà quelques semaines. Grosse doublette d'ouverture ce soir. Tout d'abord, les monstres américains de Cattle Decapitation, le groupe de Metal Extrême. C'est hyper difficile de classer maintenant Cattle. C'est une base, bien sûr, Death, Brutal Death, avec un peu de slam, des parties black plus dérangeantes que plein d'autres groupes de black metal à l'heure actuelle, des espèces de gros breakdown hardcore ultra vénère. Voilà, Cattle Decapitation, c'est... Mais comment font-ils pour sortir des albums aussi qualitatifs année après année? Anthropocene Extinction, Death Atlas, et là maintenant Terrazite. Monstrueux, les sorties studio que nous propose Cattle. Metal Blade, c'est toujours leur écurie, on s'écouterait le titre Solastalgia. Et un doublette avec Cattle, les vétérans norvégiens de Immortal, le groupe entre guillemets de Black, puisque maintenant c'est limite à un one-man band avec des sessions. Hein, d'origine, il ne reste plus que Demonaze qui s'occupe de la partie compo, des lignes de chant et des grattes, accompagné pour l'occasion par Icedale à la basse, hein, qui est surtout connu voilà, au niveau de son CV pour être le gratteux de Audrey Horn et encore plus Enslaved. Et Kevin Quayle à la batterie, qui tape actuellement chez Galsworth, parce que bien évidemment, Demonaze, après s'être embrouillé avec Abbas, il s'est frité avec Org, voilà, batteur historique ces dernières années. Voilà, à voir sur la durée, si on est vraiment sur du pilotage automatique, ou si c'est un album dans la tradition des Immortaux, là, hein, la recette est vraiment la même, à voir cependant s'il y a des petits trucs qui sortent de ci, de là. Et bien évidemment, c'est le second effort studio de Immortaux sans Abbas, puisque le premier était Northern Chaos God, sorti en 2018. On peut lancer les hostilités, War Against All, extrait de l'album de Immortal, toujours dispo chez Nuclear Blast, c'est le nom au passage de son nouvel effort studio. Cattle Immortal, bienvenue dans l'émission, c'est parti. Watching the world to no decision. complète suivante avec encore une nouveauté Buggin tout d'abord. Alors on a beaucoup de groupes ricains encore à s'écouter ce soir, mais actuellement c'est la qualité qui nous vient des US. Bon, cependant on a encore pas mal de groupes européens et des quatre coins du monde à se diffuser, mais c'est vrai que la dominante est ricaine actuellement. Buggin donc, c'est du hardcore avec une chanteuse ultra vénère. Le groupe vient de signer chez Flatspot Records qui récemment a signé Zulu, Speed, End It. Tout ça c'est des groupes qu'on vous a diffusés. Un album 12 titres qui fait suite à une démo puis un EP qui était sorti en 2019-2020. Au passage, dans cet album, il y a quelques anciens titres un peu retravaillés pour l'occasion, mais on retrouve surtout du matos inédit. Voilà, Buggin, ça fait partie de ces formations récentes à suivre de près, qui sera d'ailleurs Buggin sur la scène du Super Bowl of Hardcore à Rennes, en compagnie notamment de End It. Et en doublette avec Buggin, on aura les Suédois de Enforcer. Le groupe existe depuis une vingtaine d'années. Ils ont sorti là leur sixième effort studio, toujours chez Nuclear Blast. On est sur du heavy revival des 80s. C'est catchy, c'est tubesque. Et ça, Heavy Scream à fond les ballons. On les a vus sur la scène du Anthem of Steel le week-end dernier. Le groupe reste fidèle à sa réputation. Buggin, c'est une avant-première en plus, puisque l'album ne sortira que le 2 juin. Concrete Cowboys, on s'écoutera le titre All Eyes on You. Enforcer, ensuite le titre Demon, extrait de l'album Nostalgia. Et c'est parti! Yeah! Pas de nouveauté dans la doublette à venir, puisqu'on va s'écouter Blaze of Sorrow et Extermination Dismemberment. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces deux formations qu'on vous diffuse depuis quelques semaines? Le premier nous vient tout d'abord d'Italie, Blaze of Sorrow. On est sur du Black Atmo, à tendance un peu mélodique, existant depuis une quinzaine d'années. On va chercher du côté de la scène cascadienne américaine, hein, Wolf in the Throne Room en tête de liste. On a des parties vachement plus agressives au milieu de tout ça, voilà, ce qui alterne bien et qui rend vraiment bien en avant les parties plus mélodiques. Et ensuite, on aura les Brutas du Belarus, Extermination Dismemberment, le groupe de Brutal Slam Death, qui, après 10 ans, nous sort enfin un troisième effort studio. Le groupe a fait un petit up en termes de label, de Amputated Vein Records, ils viennent de passer chez Unique Leaders. Un album très qualitatif, avec plein de très très bonnes choses dedans, qui viennent un petit peu, je dirais pas renouveler le style, mais apporter de la nouvelle inspiration. Et puis toujours cette ambiance mécanique et très froide, encore poussée à l'extrême sur Nouvel Effort Studio. Blaze of Sorrow, on s'écoutera le titre Heretica, extrait d'album Vultus Fati. Extermination Dismemberment, Ruins of Armageddon, extrait de l'album Dehumanization Protocole. C'est parti. We'll be right back. Après une doublette sans nouveauté, on va maintenant s'envoyer une doublette de nouveautés. Tout d'abord, Mindwar, une formation que j'apprécie tout particulièrement, qui nous vient de Belgique. Ils nous balancent un hardcore teinté de trash crossover, un petit peu à la sauce d'ailleurs d'un power trip. Le style s'est vraiment affiné au fil des années, mais la qualité est toujours de plus en plus présente. Au passage, ils signent sur le label américain Triple B Records, un label spécialisé qui nous balance vraiment de la qualité depuis quelques années. Voilà, ça sonne un peu old school, hyper énervé, avec des breaks dévastateurs à souhait. Voilà, Mindwar, formation belge, pareil, qui sera sur la scène du Super Bowl. Formation à continuer de suivre très près, existant depuis presque 10 ans maintenant. Et ensuite, on aura les vétérans ricains de Metal Church, le groupe de Heavy Power, qui vient de sortir son 13e album studio. Hein, là, pour rappel, le groupe a vu le jour au début des 80s. C'est le premier album que le groupe enregistre avec son nouveau vocaliste Marc Lopez, qui est notamment connu pour être le vocaliste du groupe Ross the Boss, hein, le projet de l'ancien gratteux de Manowar. Un vocaliste donc qui a intégré Metal Church suite au décès de Mike Howe. Vocaliste emblématique, hein, qui était revenu en 2015, après un passage dans les années 80, puis les années 90, voilà, Mike Howe étant décédé en 2021. Voilà, c'est pas ultra renversant, mais c'est solide, toujours aussi efficace, et puis voilà, la recette Heavy Power, un peu trash, reste toujours bien efficace et exécutée chez Metal Church. Mindwar, Empty Values, extrait d'album Still at War, Metal Church ensuite, Pick a God of Grey, extrait d'album Congregation of Annihilation, et tout ça, c'est de la nouveauté, c'est parti. We'll be right back. Toujours à l'écoute d'Hellbanger, émission métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes des 93.6, doublette suivante, Ascended, Dead et Predatory Void. Le premier est un groupe de death qui nous vient de Californie, une nouvelle signature, 20 Buckspin Records, voilà, qualité forcément au menu. On est sur un death bienvoulant, limite bestial death, hein, d'inspiration Sadistic Intent et autres Angel Corps, presque du war metal hein, dans la musique de Ascended Death, Dead, pardon. Ils sortent là leur second effort studio, donc après quelques splits, et le premier album qui a eu le jour il y a 6 ans maintenant, en doublette Predatory Void, formation qui nous vient de Belgique, petit All-Star Band avec des actuels et anciens membres de Amenra, Carnation et autres Aborted. On est sur un Blackening Doom Sludge, sorti chez Century Media. C'est rampant, à la fois violent, et au niveau des chants, un petit côté post-hardcore à la sauce Oathbreaker. Voilà, pour les présentations. Concernant donc Predatory Void, Ascended, Dead, Bestial Vengeance, Predatory Void, Struggling. Et c'est parti tout de suite. We'll be right back. Et la doublette suivante va nous permettre une petite glissade vers l'aspect française de l'émission de ce soir, avec tout d'abord la formation suisse de Burning Witches. On est sur du heavy toton bien musclé, donc c'est agressif et catchy. On retrouve une douzaine de compos avec quelques covers, notamment Ozzy Osbourne et Wasp. C'est très typé 80, old school, hein, puis vraiment le heavy toton presque trash. On est dans la lignée d'un Crystal Viper, par exemple. Voilà, c'est une formation 100% féminine, et Burning Witches, on les voit de plus en plus en France, et c'est plutôt qualitatif, donc tant mieux, j'ai envie de dire. Et on attaque ensuite le dur de l'aspect française, avec tout d'abord Moonreich, la formation de Black Francilienne, toujours signé sur le label Les Acteurs de l'Ombre. Ils nous sortent là un généreux nouvel effort studio, 5 titres qui dépassent tous, qui sont tous autour de la dizaine de minutes, qui fait suite au très très bon Fugue qui était sorti en 2018. Voilà, c'est froid, sinistre, violent, et le groupe s'aventure même un petit peu musicalement. J'en dis pas plus, on vous laisse découvrir. Toujours est-il que la qualité chez Moonreich, c'est vraiment un gage de fabrique. Burning Witches World on Fire, extrait de l'album The Dark Tower. Moonreich of Swine and Ecstasy, extrait de l'album Amer. Et c'est parti.